Chapitre 11. Ce qu'il dira à Thécla. Mais Xavier n'en avait pas la moindre idée. Il volait vers elle, poussé par l'ardeur de sa jeunesse et de son amour, et ne songeait qu'à la revoir, bien sûr de trouver des paroles, n'importe lesquelles, pour la persuader de revenir à Bella. Il n'envisageait aucune espèce d'avenir. Ce qu'il voulait, c'était que Thécla revînt, qu'il pût la voir, l'entendre encore, l'emmener avec lui dans ce bois tranquille où il avait pleuré le matin même. Il voulait lui dire « Regarde, c'est ici que j'ai versé les larmes les plus cuisantes de ma vie. Je les ai versées pour toi. Que vas-tu me donner en échange de ces belles larmes d'amour jeune et brûlant? Est-ce que nous pouvons vivre séparés maintenant? Est-ce que nous n'allons pas errer éternellement sous ces feuillages qui tamisent la douce clarté du jour? Est-ce que nous aurons le temps d'être heureux? La vie sera-t-elle assez longue pour tout ce que nous avons à nous dire de doux et d'enivrant? » Il galopait sur la route unie où les sabots de l'Étoune soulevèrent régulièrement de petits nuages de poussière. Des deux côtés, les moissons s'étendaient à perte de vue sous la chaleur accablante du jour. Puis des bois qu'il traversait comme en rêve, bercés par la fraîcheur délicieuse. Puis des ravins, une rivière, des villages prospères et des moissons encore. Tout cela à peine entrevu dans la rapidité de la course régulière. Enfin, les toits de la ville se dessinèrent devant lui avec les clochers des églises, semblables à de gros navets verts renversés. Les croix dorées brillèrent au soleil, puis les maisons devinrent plus distinctes. Il franchit encore un pont et entra dans le faubourg. L'Étoune s'était mis au pas de lui-même, épuisé par sa longue course. Un grand fracas de sonnettes et de grelots se fit entendre, et la malle-poste apparut, venant à sa rencontre. « Arrête !» cria Xavier au postillon. « Les dames que tu emmènes ont oublié quelque chose. » La poste ne doit jamais s'arrêter, sauf les cas de force majeure. Mais ce beau cavalier qui montait un si magnifique cheval n'était certainement pas un homme à dédaigner. Le postillon ralentit donc le mouvement de ses bêtes sans pour cela s'arrêter tout à fait. « Que désire votre Excellence ? » demanda-t-il poliment. « Parlez aux deux dames que tu viens de prendre. »« Je n'emmène pas de dames, » répondit le postillon. « Je n'ai dans la voiture qu'un colonel en retraite que j'ai pris à Kiev et qui dort depuis qu'il est monté. » Xavier poussa son cheval et regarda dans la voiture. En effet, elle était vide, sauf la place qu'occupait un vieux bonhomme à moustache grise, profondément endormi. « Tiens, » dit-il en présentant un billet d'un rouble au postillon, qui le prit sans demander pourquoi. La malle-poste reprit son allure triomphale. Les deux ou trois servantes seules, spectatrices de cette scène, retournèrent à leur ouvrage, et Xavier se trouva seul sur la route, très embarrassé de lui-même. Une idée lui vint cependant, et il poursuivit sa route vers la station où il mit pied à terre pour interroger le maître de poste. Deux dames arrivées au petit jour ? Certainement. S'ils avaient pris la diligence pour Kiev ? Oh non, elles avaient demandé du thé. Puis, comme la malle-poste n'avait qu'une place vacante, elle l'avait laissé partir, et c'est un paysan venu à la ville pour vendre un veau qui les avait emmenés dans sa télègue. Où ? Le maître de poste n'en savait rien. Sur la route de Kiev, c'était sûr. Jusqu'à quel endroit ? Impossible de savoir. Connaissait-on ce paysan ? Pas le moins du monde. Il en vient tant, avec des veaux. Fort gêné par son cheval, dont il tenait la bride, Xavier se tenait sur le perron de la station, tordant sa moustache de sa main libre. Le maître de poste eut pitié de son embarras. Il appela un garçon d'écurie qui reçut l'ordre de bouchonner soigneusement la pauvre bête fumante, et Xavier put entrer dans la maison pour y méditer sur son aventure. Perdu, Thécla, bien perdu cette fois. Le fil conducteur était rompu. Un hasard seul pouvait le renouer. Et comment compter sur le hasard? À diverses de là, quatre routes se dirigeaient dans quatre sens différents, desservant de gros bourgs et des villages florissants. Chercher les deux femmes dans ce dédale, c'était, comme le dit respectueusement le maître de poste, chercher une aiguille dans une botte de foin. À demi couché sur le large et robuste canapé de cuir, qui meuble uniformément toutes les stations de poste en Russie, Xavier s'abandonna à ses réflexions mélancoliques pendant une heure environ. Au bout de ce temps, la britchka s'arrêta à son tour devant la porte et le majordome apparut, plein de confiance, comme un homme dont les prévisions sont infaillibles. « Eh bien ?» semblait dire son regard au moment où il s'arrêtait sur le seuil. « J'avais bien deviné, mon jeune maître, imbécile !» s'écria Xavier, heureux de trouver enfin à dépenser sa fureur. « Triple animal, menteur effronté, nourri que tu es dans la ruse et le mensonge, tu n'as point eu l'idée que des êtres honnêtes ne songeraient pas à mentir. »« Et quoi ?» balbutia l'infortuné. « Les dames ne sont pas ici. Sur la route de Kiev, misérable, sur la route de Kiev !» hurla Xavier en le prenant en collet. Il le secoua comme s'il eût voulu le faire passer à travers un crible. Il le lâcha enfin, avec une bonne poussée qui envoya le coupable jusqu'au mur. « Excusez-moi, Excellence, » murmura le majordome en essayant de reprendre haleine. « C'était si naturel de penser le contraire. Et puis, si votre seigneurie veut bien réfléchir, ce n'est pas ma faute si les dames ont réellement pris la route de Kiev. » À cela, Xavier ne put rien répondre. Rongeant sa mauvaise humeur, il fit atteler des chevaux de poste à sa britchka et repartit sur le champ pour le château, laissant le majordome se débrouiller comme il l'entendrait avec les quatre chevaux et point d'équipage, ce qui n'empêcha point le digne personnage de rentrer avec son escorte à Bella le lendemain de grand matin.